Seigneur soit avec vous tous. Bwana apatekua na nini ote. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Niko ne misalimia mutina la Yesu Christu. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Tunasalimia banduku na wadada beku mtandao. Et nous vous souhaitons bon appétit. Na tunemtakia mulo mwema. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la Bible. Bila kawia tushimame njosome aneno. Ruth au chapitre 1. Luta sura ya kwanza. Ruth au chapitre 1. Luta sura ya kwanza. Commençons verset 4. Tunanzia mstari ya 4. Notre Père céleste. Baba yetu aliye juu mbinguni. Toi qui es le gérant de nos âmes. Oui, mwenye kuchunga manafsi yetu. Le gérant de notre santé. Mwenye kuchunga afya yetu. Et l'acteur de notre vie. Na baba wa bushima bwetu. C'est toi qui as promis le salut. Ni wenjo vilaka okovu. Parce que tu es venu l'accomplir au bois du calvaire. We peke ulikuwa kuitimiza kumutia kalvario. Par ta puissance, kupitia uwezo yako, la puissance de la parole du Saint-Esprit, uwezo yako ya neno ya Roho Mtakatifu, tu le réalises en nous, unaitimiza ndani yetu, au nom de Jésus-Christ, mujina la Yesu Kristu, pardonne chacun de nous, urumie kila moja wetu, au nom de Jésus-Christ, mujina la Yesu Kristu, guéris toute maladie, utunzwe magonjwa yote, spirituel, ya kiroho, physique, ya mumwili. Au nom de Jésus-Christ, sauve les âmes perdues. Au nom de Jésus-Christ, sanctifie tout notre être. Takasa bumutu wetu bote. Au nom du Seigneur Jésus, mujina la Bwana Yesu Kristu. Que chaque frère, kila nduku, et chaque sœur, na kila dada, y avait une situation difficile. Ulikuwa na mambo ya nguvu. Un problème difficile. Mambo ya nguvu kabisa. Que toi tu sois sa solution. Wewe upate kwa jibu yake. Merci Père. Asante Baba. Que le frère et les sœurs, banduku na badada, ne rentrent pas à la maison. Basipate kurudia kunyumba. Comme ils sont entrés. Paka vile baringia. Souviens-toi des frères et sœurs qui sont en ligne. La même onction qui sera dans la ligne. Puisse les accompagner. Merci au Dieu. Asante Bwana. Bénis ta parole. Bariki neno lako. Nous sommes des hommes. Tuko batu. Nous n'avons rien. Atuna na kitu. Nous ne valons rien. Atuna na bei ya kitu. Nous n'avons pas de quoi donner à ce Atuna peuple. Na kia kuleta kwa taifa. Toi le sauveur de ces hommes. Wo mkombozi wa wanawake. Le sauveur de ces femmes. Mkombozi wa wanawake na wanaume. Descends Seigneur. Shuka Bwana. Parle-nous pour notre préparation, Dieu a matarisho yetu, pour notre bénédiction, Dieu a baraka yetu. Demandons avec foi que toi tu accompliras ta parole et tu exauceras notre prière, même au-delà de nos paroles, de nos paroles que nous avons prononcées. Merci. Asante. Du début à la fin. Que ton nom soit honoré. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Ruth au chapitre 2. Luta wa kapiri. Verset 4. Musala kaine. Et voici Boaz vint de Bethléem. Natazameni Boaz akakuya ku Bethléem. Et il dit au moissonneur. Na akambia bavunaji. Que l'Éternel soit avec vous. Wa milele apate kuya nawe. Il lui répondit. Bakamjibu. Que l'Éternel te bénisse. Akwamba wa milele akubariki. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Na Boaz akambia mtumishi wake ule alikuwa anangalia bavunaji. À qui est cette jeune femme? Ubinti ni wa nani? À qui est cette jeune femme? Ukijana bibi ni wa nani? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit. Mtumishi ule alikuwa anangalia bavunaji akamjibu. C'est une jeune femme moabite. Ni mwanamke wa Moab. Qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Ularikuya kutoka kwa Moab na Naomi. Elle a dit, na akasema, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes. Munyache kunlokote ko mu ma mbeko entre les gerbes. Mule majabu derrière les moissonneurs. Kumukongo ya bavunaji. Et depuis le matin qu'elle est venue. Na tangia asubuhi arifika. Elle a été debout jusqu'à présent. Arikupaka mwenye kushimama kufika na hapa. Elle ne s'est reposé qu'un moment. Alipumzika tu wakati kidogo. Dans la maison. Munyumba mule. Que Dieu ajoute la bénédiction Mungu à la vie. Engeze baraka kusoma neno lake. Le livre de Ruth. Kitabu ya Luta. Un très bon livre. Kitabu kizuri kabisa. Livre dans lequel toute la rédemption a été exposée. Kitabu kile ukombozi wote ulionekanishwa. Un livre d'une très bonne inspiration. Kitabu cha uvuto mzuri kabisa. Un livre qui nous présente les ombres que nous devons expérimenter dans la réalité dans notre vie. Kitabu kiki nuzonesha mabimvuri vile tunapasha kuonja mu maisha yetu. Un livre qu'on doit lire avec beaucoup de respect. Kitabu kiki tunapasha kusoma na heshima mingi. Parce que ce livre nous révèle ce que nous devons faire. Sababu kitabu kinetonesha kile tunapasha kufanya. Pour un salut évident. Juu ya okovu ya biakweri. Vendredi, nous n'avons pas pu avancer. Mu vendredi, atukwezi kuendelea kumbele. Mais j'espère que chacun de vous était réellement béni. Nazania kwamba kila moja wetu alibarikiwa hakika. Le Saint-Esprit nous a parlé seulement sur la salutation de Boaz. La salutation. Salam. Que Boaz adressa à ses serviteurs. Il est Boaz à l'ambiance de Mishiaki. Et le Saint-Esprit nous a dit ceci. Na Rom Takatifu Tambia Ivi. Nous tous, en tant que chrétiens, comme frères et sœurs, nous avons des frères qui utilisent d'autres frères ou d'autres sœurs comme leurs serviteurs ou servantes. Il y a aussi des sœurs et des frères qui ont aussi leurs frères comme maîtres. Le Saint-Esprit nous a dit que les relations qui doivent nous cimenter comme maîtres et serviteurs, ce sont des relations de douceur. Ni mapatano ya upole. Les relations de respect. Mapatano ya heshima. Les relations de confiance mutuelle. Mapatano ya kutumainiana. Les relations de fidélité. Mapatano ya uaminifu. Les relations d'obéissance. Mapatano ya utiifu. Les frères doivent apprendre à travailler dans la joie. Banduku mapasho jifunza kutumika mfura. Les frères qui sont maîtres. Banduku bale bekona batu ya kazi. Doivent savoir traiter correctement avec respect leurs frères serviteurs. Banapasha kutendea na heshima banduku yabo bali banatumika kwabo. Ils doivent apprendre à bien les rémunérer. Banapasha kujua kuvalipa mzuri. Ils ne doivent pas suivre le train du monde. Abapasha kufuata mwenendo wala kutenda kwa wapagano. Vouloir eux seulement profiter. Benapenda tu bokufaidia. mais que les autres soient esclaves. Une chose qui est interdite dans la parole de Dieu. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne doit pas faire un travail des esclaves. Et n'utiliser jamais un frère ou une sœur comme esclave. Ne chargez pas un frère ou une sœur un travail humiliant. Il faut savoir honorer les enfants de Dieu. Les serviteurs aussi qui ont des maîtres comme des frères et sœurs doivent apprendre à les respecter en toutes choses. Doivent apprendre à les obéir en toutes choses. Les frères et les sœurs doivent être honnêtes. Pas de frères escrocs, des sœurs escrocs, qui détruisent les activités des frères. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés sœurs. On doit avoir des relations en douceur. Et parlant de la salutation que Boaz adresse à ses serviteurs, bien-aimés frères et sœurs, la salutation dans la parole de Dieu est d'une grande importance. Je ne peux pas en parler aujourd'hui. Il y a un grand secret dans la salutation. Comme nous l'avons montré dimanche, vendredi. Quand un fils de Dieu te bénit, un homme de Dieu te souhaite une bénédiction, tu es réellement béni. Mais pour que cette bénédiction soit effective, il faut la recevoir. Un fils de Dieu, un homme de Dieu te bénit, toi tu ne reçois pas cette bénédiction, elle ne sera pas la vôtre. C'est vrai frère. La bénédiction doit être reçue avec beaucoup de joie. Et doit être reçu avec beaucoup d'affection. C'est vrai. Peut-être le Seigneur nous donnera un autre temps pour parler seulement du secret de la salutation. Regardez la manière dont l'ange Gabriel est venu saluer Marie. Regardez comment Marie a salué Élisabeth. Prenons un peu. Tu bébé Kwanza. Ça parle quand même un peu. Dans Luc au chapitre 1. Muluka surakia Kwanza. Il y a un très grand secret. Pekosiri mkubwa. C'est vrai. Bien quoi. Prenez 39. Ma kumitatu na tisa. Allez jusqu'au verset 45. Nous avons déjà pas 45. Dans ce même temps, Marie s'éleva. Maria kashimama. Et s'en alla en hâte vers les montagnes. Kwaraka akenda mulimilima. Dans une ville de Judée. Muinchi ya Judea. Elle entra dans la maison de Zacharie. Na akengia mchumba ya Zakaria. Et salua Elisabeth. Na akasalimia Elisabeti. Dès qu'Elisabeth a entendu la salutation de Marie, pale tu Elisabeti alishikia salamu ya Maria. Son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. Akato alalamiko mkubwa. Tu es béni d'entre les femmes. Ya kwamba unabarikiwa katikati ya wanawake. Et le fruit de ton sein est béni. Na hata tunda tumbo yako unabarikiwa. Comment m'est-il accordé? Dieu a nini ulipatia? Que la mère de mon Seigneur ya kwamba mama wa bwana wangu vienne auprès de moi. Apate kuja kwangu. Car kwani voici tazama. Aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans son sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Toute bénédiction qui est prononcée sur vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, si vous la recevez avec joie et amour, ces paroles-là, cette bénédiction-là, s'accomplira certainement. Quand un frère, une sœur, te souhaite, même s'il ne prie pas, soyez guéri au nom de Jésus. Il te souhaite. Soyez guéri au nom de Jésus. Si vous acceptez ça, dans la sincérité, vous êtes déjà guéri. Quand un frère, une sœur, te souhaite la paix, recevez la paix avec joie, et vous l'aurez. Elle s'accomplira certainement. C'est vrai. On n'a pas le temps d'en parler. Dans Nombres chapitre 6. Pour montrer que la salutation qui est accompagnée de bénédictions est d'une grande importance. L'écriture disait ici. Commençons au verset 22. L'Éternel parla à Moïse. Wamilele akamwambia Musa na kusema. Parle à Aaron et à ses fils. Ambia Aaron na batoto yake. Et dit. Na uambie. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Ivi mutabariki watoto wa Israeli. Vous leur direz. Mutawaambia. Que l'Éternel te bénisse. Wamilele akubariki. Et qu'il te garde. Na akuchunge. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et moi, je les bénirai. C'est vrai, frère. Il y a beaucoup de secrets ici. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Comme nous l'avons montré. Boaz qui représente Christ. Boaz, mon nom est Christ. C'est lui l'héritier de toutes choses. Yenjo muriti wabitubiote. Lui-même le maître de la moisson. Yemunye mwalimu mwenye mavuno. Naomi yeye. Représente l'Ancien Testament. Elle représente Israël. Elle représente cette église juive. Orthodoxe. Il y avait pour mission. Il est quoi la case? D'instruire à Ruth, Moab. Le type de l'épouse des nations. Mufano wa bibi Arusi wa Mataifa. Le type du Nouveau Testament. Mufano ya Agano Jipya. Le type d'un véritable chrétien. Ya Mkristo wa Biakweri. Mkristo mwanamke wa Biakweri. Naomi se tenait à côté de lui. Naomi alikuwa kumpembeni ya Luta. Pour lui expliquer. Via kumufasilia. l'instruire sur la loi juive. Comment Ruth devait se comporter pour bien marcher en Israël, pour être agréable aux Juifs, être agréable à Boaz, être agréable à l'Éternel qu'elle avait suivi. Une bonne enseignante. Les femmes doivent être des enseignantes. Dans Proverbe au chapitre 1, dans son verset 8, écoute mon fils, l'instruction de ton père, l'instruction de notre Père Céleste, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Une bonne mère donne de bonnes instructions à ses filles et à ses fils. Ruth, qui est le type de l'épouse dans ce... Ruth nous représentait, nous. Cette femme, Moabite, qui n'avait rien en Israël, qui n'avait aucun lien en Israël, qui n'avait aucune promesse en Israël, mais qui par révélation prit la résolution d'aller se réfugier sous les ailes de l'Éternel. Et étant Israël, il a hérité les promesses bénies. Sa vie fut agréable au Seigneur. Vraiment, elle nous représente, nous Achika, les païens, nous les païens, Shiba pagano, des chiens, Shiba imbwa, qui n'avaient aucune promesse en Israël, des hommes sans Dieu, des hommes sans loi, des hommes sans alliance, à cause du sang de Jésus, ce matin, nous sommes appelés l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Comme Paul explique aux Romains, selon l'accomplissement d'Osée chapitre 2, verset 1. Selon la promesse d'Osée chapitre 2, verset 1, Paul explique dans Romains au chapitre 9, dans son verset 3, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Qui sont israélites? À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le guide, les promesses, les patriarches? Et de qui es-tu ici selon la chair? Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Mais regardez ce que Dieu a fait pour nous. Toutes ces choses ici ne nous appartenaient pas. Romains 9, dans son verset 25 à 26, selon ce qui est dit, ainsi, commençons verset 24, ainsi il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Lakini toka tena mbapagana. Selon qu'il est dit dans Osée. Kufuatana vile nasema mu Osée. J'appellerai mon peuple. Mitaita taifa yangu. Celui qui n'était pas mon peuple. Ila ikuwe taifa yangu. Et bien-aimé. Na bapendwa. Celui qui n'était pas la bien-aimée. Bale abakuwe bapendwa. Là où on leur disait, là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Nous le sommes ce matin. Nous les gens sans loi, sans promesse, sans Dieu. Voyez bien mes frères. Sans culte, bila ibada, des idolâtres, des chiens, des gens sur qui toute la malédiction de l'enfer reposait. Le sang de Jésus nous a lavé. C'est vrai, frère. Et notre sucre a été jeté dans la mer de l'oubli. Nous sommes l'époux de l'époux. C'est ce que représente Ruth. Le chef des moissonneurs, c'est le Saint-Esprit. C'est lui que Christ a promis. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer un consolateur. Il va demeurer avec vous jusqu'à la fin de la moisson. C'est vrai. Quelle belle promesse. Et Jésus-Christ lui m'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Pour s'occuper de nous. Pour nous instruire. Pour nous garder. Nous protéger. Vous voyez. C'est vrai. Et les moissonneurs sont les anges. Les serviteurs fidèles. Qui travaillent dans les champs de Dieu. Et les champs de Boaz représentent la parole de vérité que nous avons reçue. Le message de l'heure qui nous a été révélé. La véritable église du Seigneur dans laquelle le véritable fils et fille de Dieu puise leur force. On n'a pas le temps de parler de tout ça. Le temps viendra où on parle. Mais ce matin, lakini asubuhi, j'aime attirer votre attention. Napenda kuvuta angalisho yenu sur le travail de Ruth. Yuli ya kazi ya Luta. Que Dieu m'aide à parler lentement. Mungu asaidie nipate kusema polepole. Parce qu'ici il y a des problèmes. Sababu hapa peko mambo. Prenez note. Bébé Mwandiki. Prenez note. Mwanze kwandika. Et remarquez le comportement de Ruth. Natazameni namna ya kutenda ya Luta. Ruth se trouvant dans les champs de Boaz. Luta akapatikana mashamba ya Boaz. Pour la première fois, malaki ya kwanza, travailla pour sa survie. Akatumika ndio apate kuishi. Pour la nourriture de chaque jour. Ndio chakula yake ya kila siku. Et il le faisait sans aucun intérêt. Na alianza kuifanya bila mapato. Car elle ne savait même pas. Sababu asikujua hata. Que les champs dans lesquels elle travaillait. Kwamba mwile shamba alianza kutumikia. Appartenait à Boaz, il connaît à Boaz, quelqu'un qui avait le droit du rachat sur elle. L'église est avec moi. Faites très attention. Quand Ruth travaille pour la première fois, elle n'avait aucun intérêt. sur le propriétaire du champ. Yulu ya mwenye mashamba. Aucun intérêt sur les surveillants. Asikuwe na faida tamoya njua ula rianza kuangaria mashamba. Ni sur les moissonneurs. Wala bale baranza kuvuna. Quand elle s'est retrouvée dans ces champs-là, wakati la patikana mwenye mashamba, elle est allée chercher la nourriture du jour. Arenda kutafuta tu chakula ya siku. Et elle travaillait dans ces champs-là. Na mwile mashamba anaanza kutumika. C'était pour sa survie. Ilikuwa ni njua apate kuishi. Sans qu'elle le sache. Bila yeye kujua. Que le patron du champ. Ya kwamba mwenye mashamba ile. Était un homme qui avait le droit du rachat sur elle. Alikuwa mtu alikuwa na halali ya ukombozi juu yake. C'est vrai. Ya kweli. Elle ne le savait pas. Ye akuyue. Et Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Ruth au chapitre 2. Luta suraki ya pili. Voilà pourquoi l'écriture dit ceci. Choko maana andiko nasema hivi. Ruth la Moabite. Luta Moab. Dit à Naomi. Akamwambia Naomi. Je suis toujours dans le verset 2. Nupa mstari ya chapitre 2. Ya laisse-moi, je te prie. Unyache, allez glaner des épis dans le champ. Yene kalokote kominju mashamba. De celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Kumacho aule mitapata koneema. Verset 3. Kata, elle alla glaner dans un champ. Akaenda kulokota mashamba. Mashamba moya. Mashamba moya. Ah, derrière les moissonneurs. Mkongo abavunaji. Vous voyez? Et il se trouva par bonheur que la parcelle de la terre, la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille de l'Imelec. Quand elle est entrée dans les champs là, ni Naomi n'avait pas révélé à Luta le propriétaire du champ. Non, bien aimé. Parce que Ruth lui-même. Naomi elle-même. Naomi ne savait pas. Dans quel champ. Ruth allait glaner. Elle a su après. Il y a des choses ici. Mais je ne saurais pas les dire. Mais regarde. Lakini angaria. Vous savez que même Israël, on a eu hâte à Israël n'a jamais compris Ayayeliwa que l'époux de Jésus-Christ Christ est en train de travailler dans un champ de celui, dans une propriété de celui qui a le droit de rachat sur Israël. Amen. Ah, ça c'est autre chose. Ah, pas les vitu bingini. Ceux qui sont spirituels comprennent. Israël. Israël. Reconnaîtra cela après. Et tatamboa ni kisha. Jofa atashanga. C'est là qu'il sera étonné. Là où vous étiez en train de travailler. C'était dans le champ de Boaz. De mon Messie. Ya Messie wangu. Le Messie que lui avait rejeté. Messie oule yer katala. Nous l'avons devancé. Nous avons commencé à goûter si tu n'as kuonja les meilleurs produits, matuma vuno mzuri, les bénédictions de Boaz, baraka ya Boaz, avant Naomi, mbele ya Naomi. Vous le verrez. Mteyone. Après que Naomi, que Ruth ait travaillé, Ruth a kutumika, elle s'est assise arikala, à côté de moissonneurs, kumkongo ya kukamene wavunaji, anakula, elle a bu, anakunya, elle était rassasiée, anajiba, le reste, na ibile ibakia elle sasa, est allée apporter, jo anenda sa kumpelekea Naomi. C'est nous qui profitions la bénédiction baraka des premiers-nés. Ya bazali kwa bakwanza. Où est l'époux de Kambo? Bibi Arusi wa Kambo veko wapi? L'époux de Kambo veko wapi? Bibi Arusi wa Kambo veko wapi? Nous profitons. Tuna faidi ya ili. Nuku. Tuna yu wa bintu. Nous connaissons les choses. Bile ambao que Israël a yu. Israël ne maîtrise pas. Toi et moi là où nous sommes. Israël est dans la fumée. Il ne comprend rien. Achelo Kintu. Ils sont aveuglés. Mais regarde comment Dieu a fait. Il nous a sauvés. Il nous guérit. Frère, il nous bénit. En Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Frère, la guérison est la nôtre. La santé est la nôtre. Le salut est le nôtre. La vie éternelle est la nôtre. Frère, pendant que Israël attend, Chimbele, tout qu'on a goûté, le meilleur produit du champ de Boaz, avant la rédemption complète. Ça c'est bien ça. Frère, aujourd'hui, nous sommes la bien-aimée de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire, il n'y a rien que nous pouvons demander aujourd'hui à Dieu, au Père, au nom de Jésus-Christ, que Dieu peut nous refuser. Frère, donc Boaz a dit, il a dit, Ruth, écoute, je ne vais pas aller là-bas, je m'arrête. Non. Quand il a regardé Ruth, il a aimé. Nous sommes les bien-aimés. Si tu vas pécher, ça va. Nous allons y arriver. Il a fait cela. À la fin de la ville. Mais là, je m'en méfie. Mais là, quand il a qu'à point virgule, comme quatre coins. Sinon, mystère, il s'agit d'avancer. Je ne saurais pas combien il a combien. Parce que tu écoutes bien bien ça. Il y a de bonnes choses là-bas. Nous allons le voir. Donc je voudrais seulement insister sur le peine d'associer à mon cas auprès de vous. Comprenez-vous tous que la chose qui a fait arriver Ruth dans le champ de Boaz, c'était la nourriture. Parce qu'elle avait besoin de conserver sa vie et de conserver la vie de sa belle-mère. La deuxième chose, j'aimerais que vous notiez cela. Deuxièmement, après que Ruth ait su que les chats appartenait à Boaz, ya kwamba mashamba ilikuwa ni ya Boaz, de la famille de l'Imelech, wa mujama ya Imeleki, un homme qui avait le droit de rachat sur elle, akwa na lali ya ukombozi yule yake. Maintenant, elle a travaillé pour deux choses. Sasa akaanza kutumikia juu ya vitu viwili. Premièrement, kwanza, elle continue à travailler pour sa survie. Aliendelea kutumika njoo aishi. Et deuxièmement, na pili, elle a commencé à travailler. Akaanza kutumika pour gagner la faveur de Boaz. Juya kupata kufaida ya Boaz. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. La deuxième fois, pire, ce n'était pas seulement pour sa survie. Mala ya pipa ya kwa shikwen juya kuhishi. Parce que maintenant elle a pris que les chats dans lesquels elle travaillait appartenaient à un homme qui pouvait la racheter. Il avait le droit du rachat sur elle. Et elle a commencé à travailler pour gagner sa faveur. Mais elle veut travailler. C'est pourquoi vous voyez dans Ruth 2, dans son verset 19 à 21, sa belle-mère lui dit, Mama ake mukwa akamwambia, où as-tu glané aujourd'hui? Leo urienda kulokota wapi mindi? Et où as-tu travaillé? Na urtumikia wapi? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Abarikiwe mutu ule alikuona. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère. Na luta kambia sasa mama yake mko. Chez qui elle avait travaillé? Kwa ule alitumika. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, Mutu, kule nitumika kwa leo, luta kasema, s'appelle Boaz. Jina yake ni Boaz. Dès que le nom de Boaz. Pale tu jina Boaz. Tomba dans les oreilles de Naomi. Fika mashikio Naomi. Naomi si shota. Naomi akaluka. Naomi si shota. Naomi akaluka. Si Boaz. Akasema Boaz. Naomi ya sabeli fi. Naomi akamwambia mko yake. Qu'il soit béni l'Éternel. Sema abarikiwa milele. Qui se montre miséricordieux envers les vivants comme il est fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Ni lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. C'est vrai, frère. Comment Dieu a-t-il arrangé les choses comme ça? Comment tu t'es retrouvé? Je ne savais pas qu'il y a encore des frères de mon mari. Boaz. C'est le frère de mon mari Elimelech. Il est de ceux qui ont le droit de rachat sur nous. Que Dieu soit loué pour t'avoir dirigé dans les champs de celui qui peut nous racheter. C'est vrai. Dans les champs de celui qui peut consoler notre cœur. C'est vrai, frère. C'est lui qui peut nous retourner la joie. C'est lui qui peut nous faire oublier nos peines, nos afflictions, notre souffrance. Quand quelqu'un trouve Jésus, frère, Jésus est un bon consolateur. Jésus console les affligés. Frère, il est celui qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Il donne la joie au cœur la tristesse. Vous voyez, quand quelqu'un entend la nouvelle de Jésus, il dit ces choses. Quand un élu entend le nom de Jésus, il entend l'histoire de Jésus, il entend le merveille de Jésus, son cœur est aux anges. C'est vrai. Celui-là, Boaz. Il a le droit de rachat. Duku. Ma sœur. Dadangu. La tristesse a commencé à disparaître. Uzuni inaanza kupotea. Kama unaona Mungu. Si vous voyez un homme. Mwanaume mwanamke. Homme ou femme. Anasema anaamini. Il se dit croyant, croyant. Mais eko toujours. Mais eko paka. La main au jour. Eko toujours. Eko paka froid. Eko toujours asikitiko. Avec des ou le monde. Cet homme-là. Ou le mwanaume ou mwanamke. Cet homme-là ou la femme. Ayako, ana mtoto wa Mungu. Il n'est pas encore enfant de Dieu. Il n'est même pas prédestiné. Asiatarishi wata. Frère. Duku. Le prédestiné benye kutarishiwa bana shiki aka munana kuachana na bantu bote de tout le monde. Les élus Mateule ont en eux une profondeur car la vérité prononcée ils se réjouissent même avant qu'il ne reçoive n'importe quoi. Avant que la promesse ne se matérialise en eux, il se réjouit d'avance. C'est vrai, frère. Écoutez l'exclamation. Ah, Kushanga. C'est la Bible. La Bible. Mukumambu. Et il y a des problèmes. Le Saint-Esprit écrit les choses. Romtakatifu. Et ce qui a même exclamation kwenyewe. Hata kushanga kwenyewe. Ya Naomi. Naomi. Qu'il soit béni de l'Éternel. Abarikiwe kutoka milele. Qui se montre oule miséricordieux pour les vivants. Dieu a béni kwa bajima. Comme il les fut pour ceux qui sont morts. Et kwa rehema kwa kufwa. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Ruth, la Moabite, lui a ajouté. Il m'a dit, Il m'a dit aussi. Na ye ule mtu aliniambia. Rest avec mes serviteurs. Bakia pamoja na watumishi wangu. Jusqu'à la fin de l'an jusqu'ils aient achevé toute ma moisson. Fika na vile bataisha mavuno yangu. Naomi dit à Ruth. Naomi akamwambia sa belle fille. Mko yake. Il est bon ma fille. Iko mzuri. Que tu sortes avec ce serviteur et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Frère, Nduku. Ma soeur, Dadayang. Maintenant, Ruth, Sasa, Luta, travaillez pour gagner la faveur. C'est vrai, frère. Et troisièmement, la troisième chose que vous devez retenir. Et sans Israël, Ruth ne travaillait plus ou ne travaillait pas pour être en Israël. Non. Elle était déjà en Israël. L'église est avec moi. La troisième chose que vous devez retenir. Quand Ruth s'est retrouvé en Israël. Wakati Ruth alipatikana mu Israël. Dans les champs de Boaz. Mashamba ya Boaz. Le travail qu'elle faisait. Kazi la ranza kufanya. N'était pas pour qu'elle aille en Israël. Aikweju ende mu Israël. Elle était déjà en Israël. Mu Israël. Elle était déjà dans le pays. Là, elle travaillait. C'était pour se maintenir en Israël et pour gagner la faveur de Boaz. Un bon type de notre foi. C'est vrai, frère. Après que nous soyons sauvés, nous aussi, nous ne travaillons pas pour notre salut. Non, on va en parler. Nous ne travaillons pas pour être sauvés. Non, bien-aimés frères. Nous commençons maintenant à travailler pour notre salut. Nous ne travaillons pas pour être sauvés. Nous travaillons pour être pour notre salut. Nous sommes déjà sauvés. Mais dans le salut, nous y travaillons encore avec un objectif de gagner la faveur de Christ. Nous travaillons maintenant, c'est pour gagner la faveur de notre Boaz afin de gagner les couronnes. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vrai, frère. Ya kweli dadi. Nous travaillons. Tunatumika. Parce que nous sommes déjà sauvés. Ni juu tunesha kokolewa. Nous travaillons. Tunatumika. Nous mettons en pratique la parole de Dieu. Natumikia neno la Mungu. C'est pour nous maintenir. Ni juu tupate kubakia. Dans la foi. Muimani. Parce que la foi. Sababu imani. Est déjà en nous. Iko ndani yetu. Nous sommes déjà sauvés. Si tunesha kokolewa. Nous sommes déjà. Tunesha. Dans le royaume de Dieu. Ingia mufano wa Mungu. Dans la famille de Dieu. Mungu. Nous ne travaillons pas. Natumike pour tena. Être fils de Dieu. Pour être fils de Dieu. Wala babinti ya Mungu. Pour avoir la foi. Na imani. Nous avons déjà la foi. Tuko na imani, nous sommes déjà tuko, fils de Dieu, matoto ya Mungu wanaume, nous travaillons na tuko na tumika, pour nous maintenir bila kubakia, dans notre royaume ufalme yetu, et y croître na kukomea. Tuyue mzuri ma sheria. L'église est avec moi. Est-ce que l'église est avec moi? C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ya kweli dada. Regardez Ruth chapitre 2. Mwangalieni Luta sura ya pili. Dans son verset 7, elle a dit, na akasema, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin, qu'elle est venue, Arifika, elle a été debout jusqu'à présent. Et ne s'est reposée qu'un moment kiloko, dans la maison. frère. Donc, ici, dans ce verset. Apa, oui, Moustari. Les chefs de moissonneurs. Mukubwa mwa ule nangaria bakuvuna. Est en train d'apprécier. Eko na tapa. Le travail que Ruth faisait. Eko na sifu ile kazi Ruth aranza kufanya mashamba. Et Ruth a travaillé dur. Na Ruth atumika na nguvu yote. Sans repos. Bila kupumzika. Le travail dur. Kazi ya nguvu. Et sans repos de Ruth. Bila kupumzika ya Ruth. Lui a valu. Il lui fait. Un bon témoignage. L'église est avec moi. Amen. Le bon témoignage que Ruth a reçu. C'est le fruit. Du travail dur. La case ya nguvu. Sans repos. Bila kumujika. Qu'il a accompli en l'échange de Boaz. Boaz. Vous voulez avoir un témoignage. On a peine la kupata ushuda. Mais sans travail. Lakini bila wakutumika. Quelle séduction. Tongo zikani ile. Tu aimes qu'on t'appelle chrétien. On a peine d'accuser Christou, mwanamke mwanaume. Mais tu ne fous rien dans la parole. Lakini aufakin tu muneno. Tu es séduit. Ucha kutongozwa. Le travail. Kazi. Sans repos de Ruth. Bila kumzika kwa Ruth. Dans les champs de Boaz. Mashamba ya Boaz. A eu comme récompense. Maripo yayo. Un bon témoignage. De tous les serviteurs. Et même des surveillants. Ata de Boaz. Batumika ba Boaz. Quand Ruth est entré. Mwakati Ruth aringia. Dans les champs de Boaz. Mashamba ya Boaz. Elle est devenue illégaliste. Arikuya washipo. Elle est devenue illégaliste. Arijipatia. Arijipatia ma sheria. Oui. Il s'est imposé de loi. Arijekia ma sheria. Et elle faisait des sacrifices. Arianza kujitoa sasa. C'est vrai, frère. Kweli, kwanza kutumika depuis le matin. Na commencé à travailler de sans se reposer. Bila kupumzika. Il faut une volonté. Na fai kutaka. Il faut des sacrifices. Na fai kujitoa. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Elle a travaillé sans relâche. Bila. C'est ce que nous devons faire. Vous voulez avoir le repos. Vous voulez avoir le Saint-Esprit. Sans travailler. Bila okutumika. Tu ne l'auras pas. Pour avoir un bon témoignage. À quoi na ushuda mzuri. Il faut travailler sans relâche. Na fautumike bila kuchoka. C'est le travail. Kazi. Qui vous sanctifie. Je ne mitakasa. La mise en pratique de toute la parole de Dieu vous sanctifie pour amener un bon témoignage sur vous. Tu ne fais rien. Et tu veux que tu aies un bon témoignage. Non, frère. Ukona sharatika, tu te prostitues. Ukona lewa, tu as ta nivre. Una chambula bibi, tu insultes ta femme. Ukona kombara na ba frère, tu as fait bagarrer avec les frères. Tu n'as pas sœur, tu es dans des conflits avec les frères. Mais on a peine dans les moins. Mais moi, tu veux? Ba frère mukanisa. Et les frères dans l'église. Ba tumishi ya Mungu. Les serviteurs de Dieu na Mungu. Et Dieu. Ba kushuhudia sema kwa Mkristo. Puis témoigner que tu es chrétien. Regarde comment, je parle dans les termes très simples, hein, pour que chacun de vous comprenne. Où qu'on a ici, maïcha yabouchaf, une vie très sale. Tu es incrédule et désobéissant. Tu vis dans toutes sortes de péchés. Qu'on t'appelle chrétien. Na Mungu ajike. Et que Dieu puisse agréer. Non, frère. Pananduku. Mon quartier, mon lewe, kone kara. Dans votre quartier où vous habitez, ma soeur. Où qu'on a combat na ba voisine. Où entre tes bagarres. Où qu'on a maraki na ba voisin. Dans le conflit avec des voisins. Et c'est ça le travail que toi tu fais. Et puis qu'on a semé ni ni ici. C'est qu'en disant. Est-ce que ni ici, ni ce sont des mystères. Comment est-ce que tu auras les témoignages? Tu ne payes jamais, toi, la sœur. Tu ne dégages pas une bonne odeur. Tu as une mauvaise odeur. Comment est-ce que tu vas, ou d'où est-ce que tu vas prendre ces témoignages? Le témoignage que c'est sur base du travail qu'elle a fait dans le champ de Boaz. Et le travail qu'elle faisait, ce n'était pas pour c'était pénible sans repos. C'est vrai, frère. Il y a quoi, Elidad? Où qu'on a tombé comme société, tu travailles dans l'entreprise. Où qu'on a iba, tu voles. Mamazout, tu voles. Iba, Dieu m'a bien moukage. Tu voles le métal. Et tu attends. Et on a tunga. Que tu reçoives un bon témoignage. Qu'on puisse bah, tu dis mouzouri. Non, frère. Non, frère. Panandou. Non, ma soeur. Panadada. Où qu'on a ici na bwana yako. Tu viens avec ton mari. Qui tu en gouvre. Têtu. Sandakala ya Kalemi. On dirait le fretin de Kalemi. Tu as maïbwe à Ushkiak. T'as une tête dure, tu n'écoutes pas. Oh, t'as pas ta ushud. Et c'est comme ça que tu auras un bon témoignage. Barafkiako pakabandumba. Ce sont des prostituées. Barafkiako pakabandumba. Ce sont des fumeurs du chanvre. Des mauvais garçons. Babiana babaya. Des délinquants. Bah, chipoeshima. Comment est-ce que tu auras un bon témoignage? Pour avoir une vie sanctifiée, pour avoir une vie de sainteté, il faut travailler dans la repentance, dans la réparation, dans la prière, dans les jeûnes. Vous dormez, l'église est avec moi. Dans votre conscience, dans votre cœur, qu'il est qui la quitte qui ôte toutes choses. Conscience qu'on a condamné. Si ta conscience condamne, tu dois réparer cela. On n'a pas ça pour t'engager à il. Comment on engage mon maïsha yako? Si tu regardes dans ta vie, yako, dans votre comportement, mon caractère est chétani. Il y a un caractère du diable. Qui garde nature est chétani. Tu as encore la nature du tu diable. Tu dois travailler. On n'a pas ça pour t'engager. À genoux. Ma gauche. Il faut gêner. Comme la face. Il faut gêner. Tu dois gêner. Jusqu'à ce que cette ancienne nature. Tu n'as pas les il a. Mère en toi. Azamani kufu ndani yako. Que tu portes un bon témoignage. Tu portes ça au sud à Mzuri. Oui, mon pagan. Un païen. Où qu'on a vichilani. Tu as des colères, on dirait les diables. Quand tu vois ta colère, c'est révélé en vous. Tu n'as pas la nature. Ah, des agneaux. Il y a moi un condo. Va à genoux. Travaille à genoux. Comment il faut couper à Kumagodi? Il faut mourir à genoux. Travailler dur. Dans relâche. Dans la prière. Dans les jeûnes. Là où il faut réparer. Tu répares. Là où il faut se répandir. Tu te répands. Jusqu'à ce que la nouvelle nature apparaisse en lui. Et que l'ancienne disparaisse. C'est à ce moment-là que tu auras un bon témoignage. Toi qui t'absentes à l'église, qui t'absentes à la prière, et tu fais que Jésus descend du ciel, dit, ah, voilà la chrétienté qui te donne. Tu te trompes. Il est même avec la grâce qu'on t'enseigne là, c'est faux. la véritable grâce, neema ya kweli, ni kuonesha mtu ile yeye anapasha kufanya pour arriver à la bénédiction du Seigneur. Tu afike ku baraka ya Mungu. Oye bien mes frères. Ona ndu. Kukanisa uko na lofu. Alegri tu tapo. Uko na kuya vile unataka. Viens comme tu veux. Uko na voila sans zumba. Comme une prostituée. Barafiki ba zamani. Awache. Kabu abo awache. Kivuri awache. Kumerai tu n'arrête pas. Matouche awache. Les insultes n'en parlent. Tu ne laisses pas. Insoumission awache. Tu portes à couti. Tu n'arrêtes pas. Bundumba awache. La prostitution. Tu es vivi marié. Toi une femme mariée. Ukinga na esprit ya bundumba. Tu as encore l'esprit de prostituée. Yakutamani ba bwana ba bantu bengine. Tu es en train d'envier d'autres maris. Unatamani ba bwana ba bantu bengine. Tu es en train d'envier d'autres maris. Unatamani ba bwana ba bantu bengine. Tu es en train d'envier les gens qui passent sur la route. Utapata ushuhuda namna gani? Comment est-ce que tu auras un bon témoignage? Utapata kwa nani? Tu l'auras de qui? Ruth, qui est notre type. Ye mwenye kwa mfano yetu. Paye kupata ushuhuda mzuri. Pour avoir un bon témoignage. Le surveillant dit. Ule mwenye kwa ngama chama anza. C'est Ruth la Moabite. Uyu Ruth. Elle est venue avec Naomi. Alikuwa pamoja na Naomi. Mais depuis qu'elle est entrée. Tangia kunywa mashamba. Depuis le matin. Tangia asubuhi. Elle a travaillé dur. Sans relâche. Bila kwa chiria. Père. Nduku. Ma sœur, Dadayang, kama auyapata Roho Mtakatifu, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de te reposer. Auna na halali ya kupumzika. Ba frère bote ambao, pour les frères, abayazali kwa mara ya pili, ils sont pas connus. Abana na Roho Mtakatifu, mais beko na kimbia maombi, ni ba démons, ce sont des démons, ils ne sont même pas élus. Abana na ba teule. Tu l'as encore en zamani. On a prié. Tu l'as encore en zamani. Tu priais. Est-ce que as-tu reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. On ne reçoit pas dans le sommeil. On le reçoit pas en mettant des vestes, en mettant des robes qui vient de Nigeria, ou manger la viande rôtie, ou tu reçois le Saint-Esprit dans tes rêves. Dans les travaux, de la prière, Jésus lui-même, comme notre modèle, il a reçu le Saint-Esprit pendant qu'il priait. Toi, tu reçois le Saint-Esprit dans votre toilette. Non, frère. Panandoukou. Non, ma soeur. Panadada. Ruth a travaillé. Ruth a respumika. Et son travail Nakaziake lui a valu il mustaïd un bon témoignage. Il ushuda mzuri. Pawe kuya na ushuda mzuri. Pour avoir un bon témoignage. Vele ya ba frère. Devant les frères. Vele ya ba soeur. Devant les soeurs. Ni maisha yako. C'est ta vie. Ya mzuri. Une bonne vie. Maisha yako. Ta vie. Ya utifu kuneno la Mungu. L'obéissance à la parole. Maisha yako. Ta vie. Ya utakaso. De sainteté. Iko na reflete. Iko na kanisa. Ta vie ya Christ. La nature est Christ. Et les gens diront. Oyo frère. Ah, ndugu. Mwana musaidia sana. Dieu lui a beaucoup aidé. La soeur ici. Dieu l'a beaucoup aidé. Tu n'es pas un élu. Ah, t'es où, les... Tu es un démon qui vient suer. Qui vient suer Israël. Encore, qui a fouché Israël. Comment tu ne comprends pas les lois du pays? Comment tu ne comprends pas la parole de notre royaume? Comment tu ne comprends pas? Tu veux marcher comme tu étais dans le pays de Moab? Non, frère. Pas Nandoukou. Donc comme Israël, nous sommes en Israël. Il y a de nouvelles lois. Il y a de nouveaux maîtres. On n'est pas Moab. On est Moab. On a écouté mon Israël. Qui t'envoie en Israël? Parce que depuis Moab, on t'avait dit que nous les Israël, il y a des lois strictes. Ce sont des gens des légalistes. Ce sont des gens droits. Des gens honnêtes. Des gens saints. Ils ne supportent pas l'idolatrie. Ouais, on a mis les messages pour être comme message, mais tu consultes encore les devins. Démons. Chétani. Démona. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Tu n'es pas prédestiné à la vie. Ah, tanguru kutayarisha ubujima. Ulikwambia ambia aseme uamini message nina. De croire le message. Ulikushauri aseme uamini message nina. Qui t'avait conseillé de croire le message? Ata umkambovu. Mimi si akambovu. Bantu wote wanajua kusema. Tout le monde. Ule ku tabernacle ya ukambovu kule. Bale bantu wana michezo. Ces gens là ne blaguent pas. Mais wewe ulikuleta hapa nini? Mais toi qui t'a amené ici? Pour venir nous suivre. Je vois encore que tu t'affouches. Vous suivez le nom de Christ. Vous suivez cette église. Vous suivez les membres de cette église. Vous suivez la parole que nous recevons. Qui vous appelez? Kama unashindwa mambo ya Mungu, rudia mu mazebu. Entre dans les dominations. Faut pas venir suivre l'église. Pas encore que t'affouches kanisa. L'église est avec moi. Kanisa tout pas moi. Kama message, si le message inakukui ya nguvu, rudia mu mazebu. Il message, aina kujua ba mazebu. Le message est là pour préparer les bouts en vue de l'enlèvement. Nous avons une nourriture spéciale. Et notre façon de parler est spéciale. Kama bila kukuya nguvu duria mazebu. Wende katolike, ukatembe manja mangalala. Njia mangalala. Manja msalaba. Na mangalala. Mwende mule kafa. Ale laba. Ale dans les églises cérémoniales. Apana we uko hapa. Chemin de rameau. Uko na lalala na bantu mbungini. Kusha avec les gens dans la cité. Na uko na kuata na basera seme. Para kwa bibia. We uko paka hapa. Uko na lalala na bantu mbungini. Kusha avec les gens. Unaanza kufuata na bafrere balale na we. Tu commences à suivre mes frères. Ula ni kuita hapa ni nani? Qui t'a appelé ici? Tu es un démon. Uko tu shetani. Tu n'es pas un élu. Auna mteule. Rite. L'élu de Dieu, la prédestinée, quand elle est entrée, elle s'est conformée à toutes choses, à la loi d'Israël. Elle a écouté sa mère, l'instruction de sa mère. Parce qu'elle avait la volonté pour prouver que la décision qu'elle avait prise était une décision sincère. Chérie, n'était plus pénible pour elle. Toute l'instruction qu'elle recevait de Naomi, elle disait, je le ferai maman. Mama, toi tu ne dis jamais amen à la parole. Oui, à Amina Kuneno. Dis-le, ouais, on en a assez bien pour vous. C'est difficile là. Pour nous, c'est ce qui est très facile. C'est vrai, frère. Ah, mais à quoi l'indoukou? C'est vrai, ma soeur. À quoi l'idada? Elle est devenue légaliste. Ariko ma chérie. Elle s'est imposée ses lois. Non pas pour être en Israël. Non, non. Elle s'est imposée ses lois pour être agréable. Et à Boaz. Et à Dieu. Et à tous ses serviteurs. Un chrétien doit toujours avoir un bon témoignage. Un bon témoignage. Batoto yako, bakona ushuda yako mzuri. Que te témoigne correctement. Bwana yako, doit avoir un bon témoignage. Bibi yako, akona ushuda mzuri. Doit avoir un bon témoignage. Famille yako biologique. Ikuwe na ushuda mzuri yako. Avec un bon témoignage. Ba voisin, bakona ushuda mzuri. Doit avoir un bon témoignage. Mukaji banangona tumika nao. Travaille là où tu travailles. Musoko. Au marché. Ushuda mzuri. Un bon témoignage. Kuma shamba. Au champ. Kuma somo. À l'école. Un bon témoignage. Ushuda mzuri. C'est vrai, frère. Les élus, c'est un royaume mis à part. Ce sont des gens qui sont mis à part. Ils sont mis à part. C'est pour rayonner. Pourquoi? Ils sont la lumière. C'est pour éclairer les autres. Notre vie doit éclairer les païens. Notre vie doit être salée. Il n'a pas quoi en chumvi. Une vie salée. Maïsa n'est quoi en chumvi. Le travail. Gaz. Berut. Yaluta. amené du coup. Il est à Onjo. Vous le verrez. Uteyona. Et vous verrez comment, même Boaz lui-même dit, comment il parle sur le Philistin. Oui, bien-aimé frère, le travail, un bon travail, un travail consciencieux, il a fait un travail avec toute sa conscience, avec toute sa force, avec son affection, et ce travail lui a donné comme résultat un bon témoignage. Mais toi, Ushuda Mzuri, tu l'as. Dada. Des amis que tu marches avec. Est-ce qu'on a bon témoignage? Est-ce qu'on a Ushuda Mzuri? Tu ne mets pas les gens en conflit. Si nous allons seulement dans ta maison, nous demandons seulement à tes enfants, est-ce que tu es une bonne mère? Et tes enfants, ils savent que tu es chrétien. Nous, quand nous allons seulement avec toi, aujourd'hui, nous appelons tes enfants à toi. Ils vont donner un bon témoignage sur toi. Maintenant, c'est quel travail que tu fais? Ici, c'est dans les champs de Boaz où nous sommes. C'est en travaillant dans les champs de Boaz où nous allons tirer un bon témoignage. Nous sommes déjà dans le message de l'air. Nous sommes déjà dans la parole de Dieu. Ici, à Kambo et dans le monde entier, il n'y a pas un vrai message comme Jésus. Pourquoi tu n'as pas un bon témoignage? Pourquoi tu reflètes Satan? Tu n'as pas un bon témoignage, pourquoi? Depuis ce matin. Depuis ce matin, qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Quel témoignage? Elle a été debout jusqu'à présent. Toi, c'est quel travail que dans la parole de Dieu. Mouneno l'amour. Il est maïs à fou Dieu qu'on a eu. Non mon frère. Panandou. Non ma soeur. Non, à Panadada. C'est ça le travail que Jésus viendra couronner. Bundumba ya koulen, la prostitution là, celle que Jésus-Christ viendra couronner. La haine que tu as, c'est ce que Jésus viendra couronner. Mondanité, on a peine d'ailleurs. C'est lui à qui tu aimes. C'est ce que Jésus sera aussi à taille. Boule vous bandit qu'on a foigné, Dieu sera couronné. C'est ce que tu fais comme le bandit. C'est ce que Dieu viendra couronner. Non frère. Panada Nduku. Mon Christ. Un chrétien. Kama namuteule. Et un Eli. Kama anaona kintu kibaya. Lorsqu'il voit une mauvaise chose dans son comportement, atatumika kumagoti, il travaillera jusqu'à ce que il est habillé mauvais. C'est mauvais comportement. Il faut mourir dans sa vie. Jusqu'à ce que le parole puisse quitter dans sa vie. Jusqu'à ce que puisse quitter en lui. Jusqu'à ce que mauvais amis puisse quitter en lui. C'est un travail dur. Qui demande des privations. Ah, Kujikataria. C'est un travail qui demande le renoncement de soi-même. Kujikatala omyewe. L'abandon Kujikatala de son amour propre. Mapendo yako. Frère. Duku. Ma soeur. Dada yang. Il faut travailler. Na fais tumika. Et Naomi. Na Naomi. Lui a donné de bons conseils. Anpatia shauri mzuri. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Regarde comment l'Ancien Testament. Comment l'Ancien Testament nous explique le Nouveau Testament. Monsieur non. C'est ça le travail de Naomi. L'Ancien Testament nous explique le Nouveau Testament. Vous voyez, non. Naomi explique les lois juives. Vous voyez, à la Moabite. C'est l'Ancien Testament. Les livres des Juifs qui nous expliquent nous correctement ce que nous devons faire dans la grâce. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. C'est vrai. Pour comprendre le Nouveau Testament, il faut bien comprendre l'Ancien Testament. Oui, bien aimé frère. Pour comprendre ton salut, comprenez bien les livres de Ruth, les comportements de Ruth. Vous ne pouvez pas avoir un bon témoignage sans travail. On a l'anda bongo. Car ils allaient travailler au champ. Benjake, Mamijiki, Bengine, Banenda Kuma Plaisir, Bengine, Wakati Aboukoula Bushingish. Mais elle travaillait. Elle était debout en train de travailler. C'est vrai, frère. La sanctification, comme nous le verrons plus tard, est une partie légaliste. Il dit, je ne peux pas, je dois arrêter de fumer, je dois arrêter de boire, je dois arrêter de courtiser les femmes, je dois arrêter ça, je dois arrêter les mensonges. Mais c'est un problème de volonté. C'est un problème qui est lié à la volonté. Une décision libre et ferme, selon sa volonté. À quoi se voyait Misa? Elle ne faisait pas des blagues. Elle savait ce qu'elle faisait. À part nous, il faut pas qu'on exhorte. Non pas toi, il faut pas qu'on y. Quand le pasteur chipite comme l'ango, le pasteur ne passe pas chez toi à la maison. Le diacre ne passe pas chez toi à la maison. Ancien chipite comme l'ango, le diacre ne passe pas chez toi. Imani yako ina kola. Ta foi, c'est. Il y a bon, on a moins minif. Ah, tu n'es pas chrétien, c'est faux. Menteur. On a l'anda. C'est vrai, frère. C'est quoi l'induc? C'est vraiment sœur. C'est une loi. Vous imposez vous-même les lois. Moi, ici. Mon pied. Vous imposez vous-même la loi. Les lois. Pourquoi vous voulez attirer l'attention de Boaz? Qui veut attirer l'attention de Boaz? Pourquoi tu veux attirer l'attention de Boaz? Parce que tu sais maintenant que c'est Boaz qui a les droits du rachat. Nous travaillons avec la parole. Nous l'obéissons. Nous obéissons à toute la parole de Dieu. C'est pour gagner la faveur de Christ. C'est vrai, frère. Chaque instruction qui nous est donnée, nous la respectons. Voyez bien, mes frères. Voyez bien, mes soeurs. Et la belle-mère. Après avoir reçu les rapports, écoute comment il conseille. Dans Ruth au chapitre 2, dans son verset, 8 et 9, écoutez. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas te l'année dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici. Elle reste avec mes servantes. Oui, au lieu de servantes, toujours des mauvais amis. Pas bien, mes frères. Regarde où l'on moissonne dans les champs. Elle va derrière après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, ira au vase et tu boiras. C'est ce que les serviteurs auront puisé. Ma sœur, un véritable fils, un chrétien, un élu, quand il devient obéissant. Elle devient obéissante. Quand elle va dans la présence de Dieu, quand il va dans la présence de Dieu, il va travailler. Vous voyez, il va prier. Il va jeûner. Il reçoit dans la prière la même onction que le prédicateur. Frère, ma sœur, il n'y a pas de différence entre l'onction que reçoit un pasteur et un frère et une sœur consacrée. C'est la même onction. Nous puisons à la même source. C'est vrai, frère. Il n'y a pas d'onction de prédicateur et d'onction de brebis. Nous avons la même onction lorsque nous travaillons dans les champs de Boaz. Le même esprit nous donne la même onction dans le même champ. C'est vrai, frère. J'ai défendu à mes serviteurs de se toucher. Ne touche pas mes joints. Voyez bien, mes frères. Les enfants de Dieu sont déshonorables. Voyez bien, mes frères. Les gens qui marchent honnêtement, saintement, fidèlement, droitement sont des gens honorables. Et aux honorables, Mungu Dieu ne leur refuse rien. Demandez, l'on vous donnera. Frappé, on vous ouvrira. C'est vrai, frère. De la même manière que Dieu ouvre au prédicateur, de la même manière, il t'ouvrira aussi la porte. Pas de différence. Parce que nous sommes dans le même champ. Nous avons le même maître. Bien que les charges sont différentes, mais nous mangeons le même repas. Nous sommes dans le même champ. Nous avons la même eau. Pas de différence. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Ruth a bien reçu ce témoignage. Reste dans la parole. Derrière mes serviteurs fidèles. C'est ce que nous disons encore ce matin. Vous voulez gagner la faveur de Boaz. Reste dans ce message. Derrière les serviteurs fidèles. Les serviteurs fidèles qui sont fidèles à Christ et à ce message. Et à son message. Frère. C'est vrai. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne t'éloigne pas du message de l'heure. C'est vrai. Ne soyez pas en compagnie avec des incroyants. Restez en compagnie avec les croyants. Restez derrière mes servantes. Restez derrière mes serviteurs. Vous voulez marcher? Soyez avec mes serviteurs. Voyez bien mes frères. Marchez ensemble avec mes servantes. Restez derrière mes serviteurs. Voilà l'instruction que Ruth reçoit. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Ne t'éloigne pas du message de l'heure. Soyez toujours en compagnie des vrais croyants. Frère, ma soeur, restez toujours en compagnie des véritables chrétiens. Dieu est le même qui a mis la chambre. Comment on a tapé pour Chakula, Rafiki Mukanisa. Chakula frère, il craint Dieu. Que tu connais, qui va édifier ta foi. Chakula sœur, il est la sème, que tu vois, elle est un peu grandie dans la foi, elle te dira dans la foi, et que ta foi puisse aller de l'avant. C'est ce que Rita a reçu comme message. Il est Mujumbe. C'est ce que nous restons. Reste derrière mes serviteurs et avec travailler avec mes servantes. Voyez bien mes frères. Kama unabakia, si tu restes, Mouburafiki, en compagnie de frères corrects, de frères bakunyolo, de véritables chrétiens, Manduku, qui aiment la parole, qui craint le Seigneur, la crainte de Dieu viendra en toi. Comment on a bâti à mon compagnie, vive la parole de Dieu, elle n'a pas une victoire, ta vie aussi sera contaminée. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est ce qu'il a dit. Dieu l'a dit. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Oui, bien aimé frère. Reste avec mes servantes. C'est vrai, frère. Reste dans la parole. Reste en compagnie de ceux qui craignent l'Éternel. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit? Regardez. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit? Dans Jean chapitre, chapitre 8. Jean chapitre 8. Jésus n'a-t-il pas dit? Verset 30 à 32. Écoutez comment. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous avez le droit d'être racheté par moi. C'est vrai, frère. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dans Jean chapitre 14. Demeurez dans la parole, frère. Demeurez dans ce message. Dans la lumière du jour. C'est vrai, frère. Regardez le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 23. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons demeurer chez lui. Reste. Reste. C'est vrai. Avec, reste avec mes servantes. Ne t'éloigne pas d'ici. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Les serviteurs de Boaz ont reçu l'ordre de ne pas troubler l'épouse. L'église est avec moi. Les serviteurs de Boaz ont reçu l'ordre de ne pas troubler Ruth. L'action. Mais véritable serviteur de Dieu. Que le Seigneur a mandaté dans ce temps de la Odyssée pour édifier l'épouse, ne doivent jamais troubler l'épouse. Ne doivent jamais troubler les croyants. Le véritable serviteur de Dieu. Que le Seigneur lui-même a mandaté pour travailler dans les champs de Boaz, dans le message dans la fin, pour préparer l'épouse, ne doivent jamais diviser les frères. Jamais. Ne doivent jamais apporter des fausses doctrines. Quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui apporte des fausses doctrines, c'est un démon. Jésus ne les connaît pas. Dieu ne l'a jamais mandaté pour travailler dans le camp de l'épouse, dans le camp de l'épouse. Dans les champs de bois. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Ce sont des faux prédicateurs qui troublent les assemblées, qui troublent les frères avec des doctrines. Ils ont des démons qui doctrinent. Aujourd'hui, commence ma fondation. L'église avance correctement. L'église en paix. Qui doctrine à ça, qui n'a la moune. Commence ma fondation à l'église. Tous les prédicateurs. Dès qu'on a ma doctrine, il y a bon. Il a l'air de foutre mon macaliste. Il a kaboulé ma frère. Qui divise ma nuku. Il va démon. Ce sont des démons. Ils n'ont pas un mandat de la part du Seigneur. C'est vrai, frère. Ils n'ont jamais reçu cette mission-là. Un prédicateur ne doit pas toujours dire qu'on a ouviri, on a terminé en aïe, non, il a dit l'oubli là qu'il n'y a pas, il n'a pas de nouvelle lumière. Non, non, il n'a pas reçu le mandat. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs, il y a des prédicateurs qui ne parlent pas par conviction. Voilà, c'est moi qui ai un petit chou. Ni va prédicateur va mon WhatsApp. Son prédicateur sur en assomma, déclaration, il y a mon billet flan. Sans que lui-même ne reçoive la révélation. Alors, quand il commence à dire qu'il a dit pourquoi il a dit ça, et où est-ce qu'il a dit ça, parce que ça lui pleut. Non, les serviteurs fidèles qui travaillent, les serviteurs fidèles, les bamingi, je ne parle pas du Matthieu 24-45. Je parle de les. Tous les serviteurs qui travaillent dans les comptes de l'épouse doivent avoir la compréhension juste de la parole de Dieu et du message. Pourquoi? Le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui était sur Branham, qui est sur Franck, doit être sur tous les serviteurs de Dieu. De telle manière, il y a communion d'esprit. Pas de fausses doctrines inventées. Vous voyez bien mes frères. Vous bien mes soeurs. Ils doivent avoir la même compréhension. Les hommes de Dieu, que Dieu lui-même a appelé pour travailler dans son champ, ils ont reçu les instructions du maître lui-même. C'est Boaz lui-même qui a dit. Arrête. J'ai déjà dit à mes serviteurs de ne pas te troubler. Ils doivent te laisser tranquille. Oui, d'ailleurs, je leur ai dit, pendant qu'ils sont en train de moissonner, Mamin Jingina la blingine, mais tout fait tout ma coussoudi pour vous permettre de ramasser. C'est ainsi. Quand nous, tu la chouche, l'engagé ya chinisa. Même les choses que le Saint-Esprit ne veut pas dire. Dieu donne un langage terre à terre pour que l'épouse se nourrisse, amagasine la nourriture. Il est beaucoup de paroles, il est beaucoup de foi. La foi, il les conduira à l'enlèvement. C'est vrai frère, il est beaucoup de nourriture pour manger, avoir la force de marcher, avoir la force de vaincre les démons. C'est vrai frère, avoir la force de manger dans la sainteté. Oui, bien mes frères, parce qu'ils doivent manger beaucoup. J'ai dit à mes serviteurs, attention avec Christ, attention, il ne faut pas lui faire des remarques, il ne faut pas lui faire des remarques. Au contraire, faites semblant d'oublier certaines gestes qu'est les ramasses. Oui, bien mes frères, faites semblant. Faites semblant, vous jetez. Quel est la masse? Quel amour? Quel amour? Quand j'ai à Ruth, et travail de Ruth, il connaît ça comme tongos à Boaz. Ah, elle avait déjà séduit Ruth. Vous voyez, il connaît, elle connaît ça comme convaincre. Elle avait déjà convaincu Boaz. Oui, bien mes frères. Oui, bien mes soeurs. L'épouse de Jésus-Christ ne doit pas être troublée par des fausses doctrines qui viennent des serviteurs de Dieu, qui viennent des prédicateurs. Non. Chaque ministre est conduit par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu pour apporter une nourriture édifiante, unir les cœurs de l'Église. Nous voulons voir les frères et les sœurs unis dans l'amour, dans les sentiments, unis dans le monde, dans la compréhension. Pas inventer les histoires. Va le voir troubler ma canisse. Il va ouvrir. Ce sont des prédicateurs avec de nouvelles doctrines. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Ils doivent servir la vérité riche. Ils doivent servir la vérité riche. C'est la vérité. Ce qu'ils doivent donner, ce qu'ils doivent prêcher à l'épouse de Jésus, c'est rien que la vérité. Parce qu'un chrétien, une chrétienne, est troublée par des mensonges. Un son qui est un son, un son, ou un langage qui est contre la Bible, cela les trouble. C'est vrai, frère. Les serviteurs, même aujourd'hui, qui doivent travailler dans l'épouse, doivent respecter l'église, doivent respecter les messages. Ouais, mes frères, il y a des frères et sœurs qui ne respectent ni la Bible, ni les messages. Non, bien aimé frère. Non, ma soeur. Chaque prédicateur doit respecter ça. Pour encadrer l'église à la vérité. Oui, bien aimé frère. C'est pourquoi l'instruction devait être bien suivie. Boaz dit, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Vous voyez, un chrétien n'est pas un vagabond. Une chrétienne n'est pas une vagabonde. Aujourd'hui tu es ici, demain tu es là. Aujourd'hui tu crois ça, demain tu crois autre chose. Imani n'y a qu'à y être comme un Non bien mes frères. Non bien mes soeurs. Il y a des frères et des soeurs. Léo, aujourd'hui, à la chica connaît l'amour. Écoute la parole de Dieu. Il est dans le message. Que je coupe toi. Que après demain. Léo le coupe apostolo. Il est là chez l'apostolo. À la fois là 6 mois. 6 mois après. Va nous couper ça ça. On a tout maintenant. Nami kouach. Avec. À la fois, on 30e. 30e. Où frère est quoi comme canisse? Le frère il était venu à l'église. À la fois comme kouach. Et maintenant il est 30e. Il est là. Nous l'épouse de Jésus. Nous avons Dieu. Dieu nous a envoyé le message dans la vie. Tout ça c'est faux. C'est ici où il y a la vérité. Comme un enfant de la maison. Mais je vais arriver à ça. Je vais pas te poser une ça. Ah, que je puisse t'arranger. Tu es un faux. Vous voyez bien mes frères. Non, on vous voyez bien mes soeurs. Mon Christ ou Akweri. Un chrétien de ça. Un abaja Kubakia. Il doit. Voici en bas. Là où. Nafsiake. Il qu'on a couru neno la mungu la Akweri. Il mangeait la parole de Dieu véritable. Pas vagabondage. Pas nakuwaya waya. Vous voyez bien mes frères. Léo ou combat tonnerre. Kesho ou comme nouvelle lumière. Kesho pour toi ou comme moto ya Congol. Tu es dans les feux de Congol. Tu es dans les feux de Congol. Et demain tu es chez les Zambé Malamu. On a fait la miaka. Et tu fais des années. Et tu deviens encore Yoshamasha. Et tu quittes Yoshamasha. Tu vas là encore braname Dieu. Ou comme démon. Tu es un démon. Ah non, mon minifou. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'as jamais cru. Ah oui, Amina. Il qu'à la fois Shimoya va courir chez Neno la Mungu va encadrer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas dans les mensonges, dans les vagabondages. Non, bien mes frères. Non, bien mes soeurs. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste dans le message. Reste dans le message. Reste ici dans cette église. Il y a des hommes de Dieu. C'est ici dans la cité de Kambo où Dieu descend pour nourrir ses brebis ici. C'est l'endroit que Dieu a préparé pour nourrir les pousses. Mukambo, il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois. Idiote, tout ce que vous voyez, il y a Bandaor, il y a Chetani. Des sons des habitations que du diable. Que tu le veuilles ou pas, c'est la vérité de Dieu. Kweliamou. Reste avec mes serviteurs. Reste derrière mes serviteurs. Ne sois pas orgueilleux. Reste avec les hommes que moi j'ai mandaté. Reste derrière eux. Soyez obéissants aux hommes de Dieu. Ils vous conduiront correctement. Reste en compagnie avec mes serviteurs. Avec mes servantes. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. N'allez pas ailleurs. Vous catholiques, Amuna chakula. Il y a pas la nourriture. Il y a pas la nourriture de l'épouse. Amuna chakula biaru. Un méthodiste. En église méthodiste. Il y a pas. Zambe malam. Zambe malam. Amuna. Il y a pas. Témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah. Amuna. Il y a pas. Groupe de prière. Dans les groupes de prière, il y a pas. Aina braka ta braka ta ta ta ta. Ah, où t'as pas ta morée mutagatifu. Là, tu n'auras pas les saints esprits. Où les amuna droit de racha. Aiko. Amuna malade au Congo. Il y a personne qui peut te racheter. Il calabaye le fouage. Reste là où. Nafsi yako ita okoka. Na ita pumujisha. Et va être, ça se reposer. Attends, on a vu coton là. Même si tu fautais. Attends, on attend dans Zambi. Si n'allez pas loin de la parole. Reste ici. Reste avec les serviteurs. Reste derrière les serviteurs. Écoutez leurs conseils. Reste en compagnie. Avec les frères et sœurs. Dieu vous fera grâce. Grâce. Ne t'éloigne pas d'ici. Voyez bien mes frères. Attends, même si ça devient difficile. Ne t'éloigne pas. Attends, même si tu fautes, ne peux pas fuir dans l'église. Attends, même si tu deviens difficile, reste dans l'église. Baki avec les hommes de Dieu. Reste avec les frères. Reste, Dieu vous soutiendra. Namungu atakusaidia. Ne soyez pas vagabond. Pana kwa kawaya waya. Oui bien mes frères. Dieu ndugu mpendo. Oui bien mes sœurs. Dieu dana mpendo. Faites ça. Fanya vie. Et le Seigneur vous donnera le repos. Bwana atempacha afumbi. Faut pas être vagabond. Pana kwa kawaya waya. Il faut pas être vagabond. Pana kwa kawaya waya. Na sikia semaine. Écoute. Oh kule. Oh là-bas. Kurikuya mubiri moyo wa kutoa kichasa. Jomu fiti mushio kunenda. Notamala ba. Oh ni mulo ambaye wa kutoa kubaluba. Kukabongo kukaboto. Eko na moto, eko na moto. Kipri ila le fait, vient de Kabongo. Wewe ule kule mushiku mushiku. Wati la ba notamala. Notamala mwaminifu. Tuye zene sante chrétien. Reste avec ce message. Kiana ujumbe. Il y a tout pour votre enlèvement. Dans ce message, il y a tout pour vous conduire au baptême du Saint-Esprit. C'est vrai, frère. Ne t'éloigne pas d'ici. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Nous allons continuer. Voyez bien, mes frères. Reste avec mes serviteurs. Ne t'éloigne pas. N'allez pas dans un autre champ. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Si vous voulez le Saint-Esprit, Bakia naï mujumbe. Reste avec ce message. Kama uko besoin na Roho Mtakatifu. Tu as besoin de Saint-Esprit. Bakia na batumishi ya Mungu. Reste avec les serviteurs. Bali ama Mungu ye mwenyewe alifundisha njia ya wokovu. Bakufundisha njia ya wokovu. On t'enseigne la voie du salut. Voyez bien mes frères. Non, Landou. Ne soyez pas Apanakuya, un chrétien Christu, de WhatsApp. Opa WhatsApp. De la télé. Wakutele. Oh, mi na fuata ku télévision. Oh, mi na fuata ku radio. Mi na naka kuna ku télévision na radio. Mashamba boazi kuni hapa. Voyez bien mes frères. Non, Landou kumpendo. Les champs de bois de Mashamba boazi kuni hapa. Chaque jour. Kila siku. Vous aurez la nourriture. Utapata chakula. Pour votre survie. Ya kuishi kwenu. Vous recevrez la nourriture. Utapokea chakula. Pour vous donner la vie. Utapata bujima. Et une nourriture. Chakula. Qui vous donnera la force de travailler. Pour gagner la faveur. De bois. Que le Seigneur soit avec vous. Bwana apate kwa na mungu yote. À l'appel de Dieu. Ku mwito wa Mungu. Avant de prier, nous allons continuer. C'est bon? Ça goûte bien. Hein? C'est ça l'épouse. Quand Dieu m'appelle, parmi nous.